Ton, c'est Casus FM. Attendez, j'ai un auditeur en ligne là. J'ai un auditeur en ligne. Allô? Bonjour, ici Jacou la croquette. Allô Jacou la croquette. Alors voilà, ah, tu es à Montluçon, tu t'emmerdes dans ta chambre, tu veux te foutre par la fenêtre. Eh attends, dis-moi là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met le morceau préféré de Pedro ou est-ce que tu continues là? Pedro, le morceau préféré de Pedro et après c'est les 5 minutes sérieuses. Ah ouais, okay. Putain, les 5 minutes. Le moment que tout le monde attend impatiemment. J'attends ça avec impatience. Aussi, car moi, je suis j'arrive déjà même plus à dire des mots normaux. Ok, ok, attends, j'arrête le son pour Pépé, vas-y Pépé. Oh yeah, c'est le nouveau Karen Cheryl by the Neptunes. Hey yo, homeboy, I came to party. Yo girl was looking at me. She's a haggler, no, I'm not tagging her. But you don't want them boys to come over and start asking you what you wanna do, nigga. What you trying to do, nigga? What you wanna do, nigga? What you trying to do? Yeah. You're in a hall, pop beat, say what? That nigga's the man. With his manager Chris and the label to jam. Still flossing, showing your rocks. Ain't you dudes heard Grammy, man, we stole your watch. It go Indian style, knees bent and Dashiki. Strapped with the baby deck BT. Juicy at the bar, looking good in the brown dress. More than six shots and I'm dazing around, yeah. But not all thugged out loud and clear. Said fuck the straight henny, just grab me a beer. See I'm reppin' now, and my mommies, I got a weapon now. Shoot at them clowns at their feet, they high steppin' out. Left that whack label cause I don't like Chris. I'm like a hammer, let you hold in your hand. I make hits at the white boy club while I'm buying a bar. They like, hey now, you're an all-star. And go, homeboy, I came to party. Yo girl was looking at me. She's a haggler, no I'm not tagging her. But you don't want them boys to come over and start asking you what you wanna do, nigga. What you trying to do, nigga. What you wanna do, nigga. What you trying to do, yeah. Millimeter rhymes, kill a leader in line. My nigga Peter got a heat of minds. Niggas still lying, and they whack ass bars. Only time they seen jail when they watching ours. I'm in the club, pissy drunk like da-da-da-da. And mommy took a papa like da-da-da-da. Adios, kill your soul, then we body a ghost. They call me Gordo, sipping champagne that's in Porto. Playing Cappy Coop, man, you wig nappy too. I like when your job be nappy too. I treat life like a fast car, low my speed. I try to chill and sell more records than Creed. Been a hustler, way before Melvin Flint. A criminal, don't need no prints. These dudes gave me a brick and ain't seen me since. Caught up with them, had them dudes straight hopping the fence. They go, homeboy, I came to party. Yo girl was looking at me. She's a haggler, no, I'm not tagging her. But you don't want them boys to come over and start asking you what you wanna do, nigga. What you trying to do, nigga? What you wanna do, nigga? What you trying to do, nigga? Again, I got another one. I keep a hit in my pocket, I got another one. Fast and furious, dun dun dun dun dun. Still being Miami and death skiing. In the ocean where the sharks be at, just ODing. And a BC, on a brick you pay double easy. I got them things that'll move easy. And I told the lawyer, I so blow the old boy. I'm half Spanish, see I cook coke for Goya. I'm half Spanish, all day roast your boy. I recognize what I run in the game. Before me, tickets wasn't even messing with brain. But cause me, now you started getting head on the west side highway. So recognize my nigga, you did it my way. Ice rocking, brick chopping and gun chopping. I did it all, beat cases without copping. Homeboy, I came to party. Yo girl was looking at me. She's a haggler, no I'm not tagging her. But you don't want them boys to come over and start asking you what you wanna do, nigga. What you trying to do, nigga? What you wanna do, nigga? What you trying to do, nigga? Là, c'est chaud dans le studio. Oh là là là là! Pedro, là, ça continue les bons disques là. Oh là là, Nori, Nori! Bon, une production Neptunes comme d'hab, hein, tu me connais, moi. Bah ouais, mon pote. Je suis un maniaque. Un maniaque mental. Hé, Roro, vas-y, fais ton idée, là. Moi, je suis super bon pour faire les voix de meuf. Ah ouais, genre toi, t'es le genre au casse de la techno. Ouais, carrément. Moi aussi. On y va ? On y va. Bon, alors attends. Vas-y, quoi. Non, concentrez-vous un peu quand même. Essayez de faire ça bien quand même. Allez, vas-y, Pedro. Attends. Vas-y, Pedro. Oui, moi, c'est Pedro. Bonsoir, je suis Philippe Zda. Oh, oui. Oui, bonsoir. Bumba, Sissi. Pour moi, c'est Romain. Mortel, ton idée. Passe, vas-y, fais péter ton morceau préféré de la minute là. Il a pété l'ambiance. Got to hear the concussion. Attention, attention. Attends, un petit peu de silence, deux secondes. Soft Cell. Memorabilia. Eh, attendez, il y a un chum qui a sur un micro, là. Non. Avec du public, je n'irai pas un mot. Je le promets, je ne parlerai pas. Exprime-toi, exprime-toi. Y a allez-y. Vas-y, vas-y, parle, on t'écoute. Allez. Vas-y, alors maintenant, on va passer un de mes morceaux préférés. Je suis bien content. Ouais. Ouais. Allez, Romain, tu peux l'envoyer, toi ? T'es prêt ou pas ? Oh là là là là là. Hey, attention, ouais, la table, elle bouge, là. Attention, ouh. Yann. Oh là là, c'est Alex. Il faut ramener Alex. Ouais. Ramener Alex. Je demande le SAMU d'urgence. C'était quoi ça? Ça c'était Miss Kittin. C'est Miss Kittin qui chantait, ouais. Félix. Bravo Miss Kittin. Bravo Miss Kittin, bravo Félix. Ouais. Ça tue, hein, franchement, ça. C'est énorme. Alors le morceau de Pedro. J'ai arrêté le micro d'Alex. Le morceau de Pedro. Le morceau de quoi? Pedro. Thank you. Cassius FM. Mortel, ton morceau, ouais, incroyable. Ouais, si j'étais une fille, j'aurais envie de sortir avec toi, sachant que ton morceau préféré. Ouais, vraiment. Yeah. Honnêtement, moi en tant que garçon, c'est la limite. Moi, je suis une fille et j'ai envie de sortir avec toi, Pedro. Square Pusher. Ouais, j'ai aucune idée du titre. Hein. Ça s'appelle The Flood of Nimbus and the Plush. En tout cas, ça, c'est vraiment le futur. Hein. Ouais. Alors, les mecs. Mon Square Pusher, elle est bon. Ah ouais, il défonce, franchement. Ça rigole plus, quoi. Et alors c'est quoi là? C'est les 5 minutes sérieuses ou pas? Il est minuit 15 les gars, il est minuit 15, c'est l'heure. Ouais, c'est les minutes. Minuit et quart. C'est le quart d'heure philosophique. Je propose dans ce cas-là une musique spécialement choisie. Vas-y. Quelqu'un peut couper? Ouais. Yo. Yeah. Yeah. Attendez. Tu me promènes. Non, mais 5 minutes sérieux. Tu es allongé. Tu sens plus tes pieds. Ah bah non. Tu sens lourd. Okay. J'étais en train de détendre les gens là. Bah vas-y, continue. J'en remets. Donc là, on rentre dans le cadre sérieux. Chacun va raconter sa vie. Ok. Son background. Ok. On va commencer par Zdar. Ma vie, elle a commencé là-bas. Dans une ville. Et toi, Romain? Qu'on appelle Maison Alfort. Ah, Maison Alfort. Un jour, j'ai vu une maman qui m'a dit: oh, toi, t'es très très fort. Oh là à là toi, là. Beru. Okay. Eh bien, je ne peux rien dire après ces magiques mots. Non, mais tu vois, j'ai que 35 ans et déjà, c'est passé des trucs. Hein. Ah, là, ça me saoule, là, le bruit de la mer. Esdar, vas-y. Okay. Offre-nous un petit truc. Moi, j'aime bien, moi, les exclus, les inédits. Un petit inédit de l'album En Rêve, là. Alors, attendez, il faut expliquer. L'album En Rêve de Cassius, aujourd'hui, dans les bacs. A une super machine juste en face de lui. Ça s'appelle Instant Replay. Ouais. Et il va nous faire une démonstration, là, tout de suite. C'est les 5 minutes, sérieux. Et combien de morceaux tu peux mettre? Tu peux en mettre en tout 10 banques de 50 morceaux. T'as combien de gigas là-dedans? J'ai mis 5h30 hier soir. Wow. Ça m'a cassé vraiment là, c'était dur. Eh bien, c'était fantastique. Maintenant, on va écouter un petit inédit. Et voilà. Ah, non. Ah, si, celui-là, tiens. Alors, c'est quoi? Explique-nous. On laisse tourner derrière. Alors, ça, c'est une petite version de Till We Got You and Me, un des morceaux de l'album. C'était la 143e version. 143e version. En mai 2001. On l'a fait pour le chouet. Cassius in the house. Avec Leroy. Ouais, c'est Leroy. Mais mets un petit fond là. Tu veux que je te mette un petit fond? Le Dépêche Mode là. Bon, non, attendez, parce qu'on doit faire la musique sérieuse et moi il y a vraiment un truc. La musique sérieuse, merde. C'est que moi j'adore Leroy Burgess. Ouais. Ah ouais? Vraiment. Enfin, je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui à part le truc, mais il y a quoi, notre truc, c'est vraiment un des grands talents du funk et de la disco de loin. Et donc voilà, il est comment maintenant en fait? Mais il est fabuleux. Il est fabuleux carrément. Et c'est le mec le plus fabuleux qu'on a rencontré sur l'album à part Hubert. Ouais. Ah non, c'est pas vrai, il y avait tous les autres aussi, mais lui il est incroyable. Ah bon? Et non, parce que par exemple, je sais qu'il a eu une période de drogue. Ouais, il les a racontés, il a eu une période de drogue et alcool assez difficile. Je crois qu'il a un peu ruiné sa carrière. Ouais. Du coup, il a compris qu'il fallait se remettre un petit peu sur pied. Voilà. Pour ce moment, voilà, on va parler de choses assez terribles. Et donc, il a arrêté tout. Et donc, en fait, il a juste chanté. Avec Glenn Underground, je sais, là, récemment. Ouais, ça fait longtemps, ça fait deux ans. Il a refait des nouveaux morceaux. Ah ouais. Ouais, il a sorti un best-of là. Ouais, carrément. C'est bon moment sur 10. Sur Sal Soul. Et il chante comme un malade. On le salue, Leroy. Leroy, si tu nous écoutes ce soir. Il chante des produits aussi. Ouais, c'est un super arrangeur. Patrick Assam, c'est un arrangeur de feu. Mais de toute façon, on l'a vu, nous, on a filé des morceaux en 3 minutes. Il nous a fait des mélodies fabuleuses en 2 minutes, quoi. Et on s'est super bien marré en plus. Ouais. C'est ça qui était bien. Donc on a... Il est sur 2 morceaux de l'album, mon pote. Quoi. Ouais, d'ailleurs, là, je suis en train de vous passer les petites dubs, là. Et il habite où maintenant? Il est dans un 2 pièces à Harlem. Dans un immeuble super beau. Excuse-moi, on dit un F2. Mais très mauvais état, mais super beau. Avec un pote à lui, il habite là et il fait du son. Et... J'imagine qu'il est ruiné, comme tous les mecs. Ah ouais, il y a un galère total. Il reste que les maxis sur ses murs. Ouais, si même tu vois là où il habite, c'est gravissime. Ouais, c'est un truc de fou. Mais par contre, il fait du son tout le temps et tout. Ah ouais. Bon, par contre, la minute sérieuse, c'était un truc, c'était censé, on était censé se marrer, dire des conneries. Là, on parle de Leroy, en plus, c'est un pote. Ah, il faut que je mette un autre dub. Hop. Heureusement qu'on en a plein. Mais le Dépêche Mode. Le Dépêche Mode. Non, mais attends. Oh. Romain. Moi, à la limite, au final, je voudrais juste savoir. Vas-y. T'adorais Leroy avant d'avoir écouté les morceaux. Ils sont bien ou pas? Les deux avec Leroy. Ah, je savais pas qu'il y en avait deux, désolé, je connais celui qui passait là, l'autre. Under Influence. Ah, l'autre. Mais, non, j'ai pas reconnu, désolé, j'ai pas reconnu les. Ok, d'accord. Moi, c'est mort. Je vais rentrer. Moi, j'arrête l'émission. Et on avait dit qu'il restait combien de temps, là? Ah, parce que moi, j'arrête, là. Je me casse. Et en plus, je me tire avec les clés du studio, lequel. Vraiment de mon bléau, quoi. Ouais, mais de toute façon, c'est comme Patrick Adams, hein. Il a fait des trucs mentaux à l'époque. Aujourd'hui, les nouveaux trucs de Patrick Adams. On va enchaîner direct avec un truc qui va nous mettre la patate. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Cassius FM encore 40 minutes, les gars. Non, mais moi je me tiens. Et les 5 minutes. Moi, je vous propose de vous mettre un vieux Patrick Adams. Vas-y. Get Down Friday Night. Vas-y, je mets un autre morceau. C'est vachement bien, mais c'est bien au bout de 3 minutes. Ah, bah alors, mais directement à la deuxième minute, ouais. Comme ça, on peut s'éviter 3 minutes. Infernal. Pendant ce temps-là, je te trouve un petit truc. WBCD. Cassius FM. Bien. You're right. Oh, tiens, j'ai un truc chiant, Miss. W, C, B, C, D, F, D. Il est où? Ah, écoute. Oh non! Vas-y, fais péter le son là. C'est le morceau du prochain album, ça. C'est un classique. Genre, c'est un classique. Ah ouais, bien wesh toi. Merci. C'est vrai, j'ai cassé les oreilles là. On vient de perdre 85 000 paires d'or. Bon, est-ce que quelqu'un voit sécurité, si Romain nous fait un signe sécurité. Qu'il a trouvé le guise de Patrick Adams? Hop. Oh non, celui-là, non, ça va pas. Eh les gars, s'il vous plaît, on reprend un peu notre... Non, on arrête les 5 minutes sérieuses ou pas? Déjà, on arrête les 5 minutes sérieuses parce qu'elles étaient sérieuses, elles étaient foireuses quoi. Attends, t'es jumpin, on a parlé de Leroy. Ok, on va retrouver Patrick Adams dans son nouveau single. Allez, vas-y, heureusement qu'il est là. What I wanna do. Fais déraper la zic. We'll be right back. c'est le... Attends Romain, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le long maxi de Patrick Adams. Non mais il faut nous dire, j'ai l'impression que Romain s'est trompé de morceau quoi. C'était le bon ou pas Romain? Il l'a pas le bon carrément. Mytho. Oh j'y crois pas. Il a pas le bon. Qu'est-ce qu'on passe? Qu'est-ce qu'on met? Et un morceau fait, préféré de quelqu'un? Ça fait 6 mois qu'on prépare cette émission. On met un morceau préféré de quelqu'un ou pas? Moi j'ai un petit truc là mais il faut... Moi j'en ai un tout près là. Vas-y alors vas-y. Allez, vas-y je le passe. Zdar. Zdar, ton morceau préféré. Le morceau préféré de Zdar ce soir. Oh là là. Zdar il est vachement tech en ce moment. C'est un peu une brutasse. C'est un peu un chleu ce Zdar hein. Couchez les mamies, couchez les papis. Ok, c'est les bon mecs. Ça. C'est bien ça. C'est Ron Trent. Ah ouais. Ronnie. Oh là là, Ronnie Trentos. Ça, c'est pas énorme ça. Bon, il paraît qu'il y a la pub là. Non. Si, Hubert, il y a la pub. Jean-Jérôme, c'est non, l'heure, c'est ça non. C'est l'heure de la pub là. Vas-y, fais des rapés. Non. Fais des rapubes. Ok, vas-y, Romain, fais péter un peu de son pendant un petit quart d'heure là. Oh là là. Se tais maintenant. Mother told me I'd be loving son of a gun when I was. avec un guest exceptionnel, Romain Béano. Casus FM. Avec un guest exceptionnel, Romain Viano. Yes, Seagram's is the place to be. Yes, yes, yes. Drowning your sorrows away in that alcoholic nightmare that you call life. Is this your life? Then you need to get out. Are you tired of your wife that you have been beating on for years to come and years to go away? I thought so. Yeah, yeah, yeah. I'm looking at you. I'm sure you've done it. Don't even stop and look around, because I know you have. So you need to just turn your face and get out. Are you tired of that girl you've been hanging with lately? I'm sure she's tired of you, because she's looking at that guy next door. So you know what you gotta do? You gotta tell her move on and get out. You got, he's always coming up in your face talking some garbage, and it feels like you got about a quarter at the end of the week. Doesn't it feel like your brain has been auctioned off, huh? Just tell him get on, get out. You know there's nowhere to hide, there's nowhere to go, there's nowhere to stay. Nothing you can Jack Daniels do, you know. Just get out. Taking your Porsche, your Peugeot, your Volvo 940, whatever the hell it is, and just like driving it off a cliff, don't you? Because you can't make the payments. So what do you feel like, huh? Get out. Yeah, your dog done died, your cat done went well, and your doofus done swallowed the wrong child. So how you feel now? You wanna get out? Trust me. Next thing you know, she turns and done flips on you and goes out with. How you feel now? You want it down? Or something like to the effect of you're running home, you're working all day long, and you catch your house on fire. That sounds good. Yeah. Now what you want to do then? You want to get out? Stuff out. Or more like, you come outside, your car's not there because someone done stole it. Loud, loud. What you gonna do now? You can't get out. Or how about this? You walk around, right? Someone done stuck her up. You can't do a thing because they got a scuffle right at your face. What you gonna do then? They can't get out. Well, check this one out. You're on the bombs in the backyard cooking some barbecue shit up. And you burn the alarm off. You gotta rush into the hospital, but nobody got it. You gotta pay for that. Casus FM. Yeah. I'm not afraid to feel like Michael and Thriller tonight. I feel like Michael and if you say so. Yo. Yo. Yo. Nigga, if you say so. Drugs, rock and roll, badass, Vegas hoes, late nights, booty calls, shiny disco ball. Yeah, we rolling. Rock and roll, badass, Vegas hoes, late nights, booty calls, shiny disco, start fucking, let the hoes in. We gon' freak on fluffy. Ruby red, getting head in the bed, buggy. It's about yo, yo, yo, yo. Tonight, yo, yo. Nigga, if you say so. Yo, yo. Baby, got the bass on. Turn the bass up real slow. Just let your body go. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Yo, we vote. Yo, we rolling, holding, my back looks swollen. Putain, juste quand on va être chaud là. Ah, où, là hey, ça s'est transformé, ça s'est transormé en discothèque ce studio quoi. Enfin, ouvrir les portes là. C'est la rêve. Bon, c'est la rêve. Il fallait péter un peu là. Star et Boomba, c'est un avant-goût de vendredi soir, mais ce qui va se passer à la loco ou quoi? Non, non, c'est un avant-goût de demain. Ah, de demain! On continue demain soir! À la loco, on a décidé de passer que du 10 de Georges Brassens. Ok. Avec une pointe de folie avec Aznavour. En 45. Bon, hey, les mecs, Romain, ça va? Ouais, ouais, ça va bien. Merci, ouais, Romain. Ça va, merci à vous. Franchement, c'était super. C'était tu reviens génial, quand tu veux. Hein. Tu reviens dès demain. Tu reviens quand tu veux, dès demain. Dès demain, quand tu veux, tu es là. Pedro, ça va, tranquillou? Tranquille, tranquille. Hein. Moi, je suis là, je vais faire le ménage. Et c'est Harry Chouchou, le dernier morceau. C'est un peu rock'n'roll, mais c'est cool. Pedro, les gars, ça va ou quoi? Pedro, alors Paris, il y a de l'actualité un peu en ce moment. Finalement, t'as qui est super branché. Alors fait une dernière Paris. Alors, hey, avant tout quand même, aujourd'hui quand même, hey, c'est la sortie de Au Rêve, l'album de Cassius quand même. Putain, c'est beau aujourd'hui. Wow. Alors, faites ça là. Ok, donc bah, Cassius FM, ça continue toute la semaine jusqu'à jeudi soir, 22h, 1h. N'oubliez pas d'appeler sur au 42, Radio 28-44-37 pour toutes 22, vos réclamations. Vous demandez les gens un jeu de Beau Rêve. De Cassius, à demain, mon pote. Donc, on va finir avec une petite chanson. Une petite chanson. Ah, il nous reste du temps. Alors, ouais, je vais raconter mon histoire. Ah ouais, justement, alors, je vais vous finir l'histoire de ma vie. Ok, ok. Donc après, je m'en rappelle bien ce jour-là. Jingle. Je vais péter un petit jingle. Allez, va. Ah ouais, voilà, voilà, pour finir. Voilà. On finit comme ça, voilà. Bonne nuit, là. Change your heart. C'est un plagiat des Kangins. Jean-Jacques Choupin.